De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 13, 1 et 2. De la liberté. Parmi les questions relatives à l'âme humaine que l'esprit curieux et investigateur de saint Augustin a successivement abordées, il n'en est pas une qui l'ait agité avec plus de puissance que celle de la volonté, celle du libre arbitre qui s'y rattache étroitement. Élevé par la grandeur du sujet qui touche aux sources mêmes de la vie morale et religieuse, échauffé par le feu d'une double polémique où il fut aux prises d'abord avec les manichéens, ensuite avec les pélagiens, et où il dut établir tour à tour la liberté de l'homme et les influences qui la modifient, son génie déploya une remarquable vigueur et produisit des ouvrages qui ont depuis été invoqués par tout ce qu'il y a eu de plus éminent dans la théologie et la philosophie chrétienne. Raconter ses luttes contre le pélagianisme dans la personne de Pélage, de Célestius et de Julien, et exposer l'ensemble des travaux qui lui ont mérité le surnom de docteur de la grâce, ce serait sans doute faire connaître la partie la plus forte et la plus originale de sa doctrine, mais ce serait quitter le terrain de la philosophie pour celui de la théologie, ce serait effleurer inutilement une matière que le siècle de Louis XIV a creusée avec tant de profondeur, et essayer de renfermer en quelques pages ce qui exigerait, non pas un chapitre, non pas une thèse, mais un ouvrage tout entier. Notre incompétence comme théologien, la nécessité de nous restreindre, la crainte d'entrer dans une carrière tant de fois et si glorieusement parcourue, tout nous fait une loi de circonscrire rigoureusement notre sujet et de demander seulement à saint Augustin la réponse aux principales questions que se pose la philosophie contemporaine. Quelles sont les preuves du libre arbitre? De quelle manière peut-on le concilier avec la prescience divine? Quelle idée faut-il se faire de sa nature? Nous bornerons prudemment nos recherches à ces trois points et nous nous garderons bien de nous aventurer dans le vaste domaine de la grâce, car c'est, comme on l'a dit, un océan qui n'a ni fond ni rive. On peut consulter sur cette question le brillant travail de Monsieur Ernest Berceau, Doctrine de saint Augustin sur la liberté et la providence, et une thèse très substantielle et très forte de notre ami Monsieur Morial. Tout le monde sait que les manichéens faisaient dériver le mal d'une substance mauvaise égale et coéternelle à Dieu. Ce fut pour renverser cette doctrine, et pour rétablir que le mal est l'œuvre de l'homme, que saint Augustin s'efforça de démontrer l'existence de la volonté et du libre arbitre. Il s'attache à faire voir, d'une part, que la volonté est distincte de la contrainte, de l'autre, qu'elle est distincte de la nécessité. Rien de plus familier et de plus populaire que les arguments qu'il emploie pour prouver ces deux vérités, rien de plus frappant et de plus irrésistible que l'évidence dont il les entoure. Figurez-vous, dit-il, un homme qui est endormi et des gens qui, pendant son sommeil, lui prennent doucement la main et lui font tracer sur le papier des caractères criminels. Cet homme, est-il coupable? Il faudrait être insensé pour le prétendre. Imaginez en un autre qui est bien éveillé, mais dont tous les membres, excepté la main, ont été garrottés, et que l'on force à commettre un acte du même genre. Peut-on raisonnablement l'accuser de cet acte, sous prétexte qu'il ne dormait pas et qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait? En aucune sorte. Mais si le dormeur de tout à l'heure avait su à l'avance qu'on profiterait de son sommeil pour lui faire commettre un crime, s'il s'était endormi exprès pour le commettre et avait mématé le sommeil trop lent à son gré en buvant outre mesure, si l'homme garrotté s'était fait mettre dans cet état pour avoir une justification toute prête, quand on lui reprocherait sa conduite, n'est-il pas manifeste qu'ils seraient coupables l'un et l'autre, et encourraient justement la vindicte des lois? Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu de leur part acte de volonté. Il ne faut donc pas confondre les actes qui émanent de la volonté et ceux qui sont déterminés par la contrainte, les mouvements que nous nous imprimons et ceux qui nous sont imprimés. Des deux âmes chapitre 10. Mais de ce que nul mouvement contraint est venu du dehors n'est volontaire, il ne s'ensuit pas que tout mouvement qui n'est ni contraint ni venu du dehors soit volontaire. Quand je jette une pierre en l'air, le mouvement qui se produit ne vient pas de la pierre, mais d'ailleurs, il n'est pas naturel, mais contraint. Si je l'abandonne à elle-même, et qu'elle tende d'en bas, comme cela ne manque pas d'arriver, ce mouvement n'a pas de cause extérieure à la pierre, il lui est naturel, mais il n'est pas pour cela volontaire. Or si le mouvement de mon âme vers le mal, sans être de la même espèce que celui de la pierre qu'on lance, est de la même espèce que celui de la pierre qui tend vers le sol, c'est, à la vérité, un mouvement naturel, qui n'est pas le résultat de la contrainte, mais la volonté n'en est pas le principe. Il n'est point coupable, lors même qu'il serait subversif, car il dérive d'une nécessité inhérente à mon être et contre laquelle je ne saurais réagir. Mais un tel mouvement est coupable, tout le monde en convient, c'est une vérité claire comme la lumière du jour, donc il n'est pas simplement naturel, mais il est volontaire. Il ressemble au mouvement de la pierre de haut en bas en ce qu'il appartient en propre à mon âme, comme ce mouvement appartient en propre à la pierre, et que nulle cause étrangère ne le produit. Il en diffère en ce qu'il ne dépend point de la pierre d'arrêter le mouvement qui l'entraîne en bas, tandis que mon âme, si elle veut, s'arrête sur la pente qui l'incline vers les biens inférieurs. Dire que la pierre est coupable quand elle tend en bas, c'est se montrer plus stupide qu'elle, mais dire que l'âme ne pêche point quand elle tend vers les biens inférieurs, c'est également renoncer à la raison. Donc il y a lieu de distinguer les mouvements volontaires non seulement de ceux qui sont le résultat de la contrainte, mais encore de ceux dont une sorte de nécessité physique est la source. Du libre arbitre au livre 3 chapitre 1. Saint Augustin, qu'on a si souvent accusé de méconnaître le libre arbitre, ne se lasse point de le démontrer, et demande ses preuves tantôt au raisonnement, tantôt au sentiment intérieur, tantôt au consentement universel par lequel ce sentiment intérieur se traduit et se manifeste. Si, dit-il, le mouvement par lequel la volonté se porte tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, n'était pas volontaire, et s'il ne dépendait pas de nous, il ne faudrait point louer ou blâmer un homme suivant qu'il dirigerait vers les biens supérieurs ou vers les biens inférieurs les ressorts de sa volonté. Il serait parfaitement inutile de lui recommander de laisser là les choses périssables et de rechercher les choses éternelles, de détourner sa volonté du mal et de la tourner vers le bien. Or quiconque prétendrait qu'on ne doit pas donner à l'homme des préceptes de ce genre, devrait être banni de la société humaine. Idem du libre arbitre au livre 3 chapitre 1. Que deviendrait, dit-il ailleurs, le mérite et le démérite qui s'attachent à la justice accomplie ou violée? Comment pourrait-on condamner le crime ou honorer la vertu? Si l'homme ne possédait point le libre arbitre, il ne saurait y avoir ni crime ni vertu là où il n'y a point de volonté. Ôter la volonté, et tout le système des récompenses et des châtiments croule par la base. Du libre arbitre au livre 2 chapitre 1er. Augustin ne s'interdit même pas les arguments ad hominem. Ceux, dit-il, qui raisonnent contre la liberté ne s'aperçoivent pas qu'ils raisonnent contre elle librement, et que le simple fait de la nier la suppose. De la grandeur de l'âme, chapitre 36. Si tu ne veux pas savoir, ajoute-t-il, il est inutile que je t'interroge, si tu ne veux pas être heureux, tu n'as en toi rien d'humain. Tu me réponds que tu veux toutes ces choses, donc la volonté est une chose réelle. Du libre arbitre au livre 1er chapitre 12. En même temps que je sais que je vis, je sais que je veux vivre, et le fait de ma volonté est aussi certain à mes yeux que celui de ma vie elle-même. Je n'ai pas besoin de feuilleter des livres obscurs pour y trouver la preuve que je suis libre, je sens ma liberté au-dedans de moi et ma conscience m'en rend hautement témoignage. C'est une vérité si claire, si palpable, que je la vois, pour ainsi dire, et la touche du doigt. Il n'est rien qui me paraisse plus solidement établi et dont j'ai un sentiment plus intime. Que je veuille ou que je ne veuille pas, je suis parfaitement sûr que c'est moi qui veux ou qui ne veux pas, et, si je pêche, je m'attribue mon péché à moi-même, comme à sa véritable cause. Il en est, à cet égard, des autres hommes comme de moi-même. Les bergers, saint Augustin l'avait dit avant Fénelon, chantent la liberté sur leurs montagnes, les poètes la représentent sur leurs théâtres, le peuple la suppose dans ses assemblées, les savants l'enseignent du haut de leur chair, les pontifes la prêchent dans l'enceinte de leur temple, et le genre humain y croit sur toute la face de la terre. Du libre arbitre au livre 3 chapitre 1er, Confession livre 7 chapitre 3. Je n'ignore pas ce qu'une critique rigoureuse opposerait aux arguments de saint Augustin en faveur de la liberté de l'homme. Sans parler des grandes objections tirées de la prescience divine et du gouvernement de la Providence, on pourrait lui dire que, lors même que la liberté n'existerait pas et ne serait qu'un rêve de notre orgueil, il y aurait encore lieu de louer ou de blâmer certaines âmes pour la beauté ou la laideur de leurs actions, comme on loue ou on blâme certains corps pour la beauté ou la laideur de leurs traits, bien que la volonté n'ait certainement rien à y voir. On pourrait soutenir, en outre, que les conseils et les reproches, qui fournissent à l'homme des motifs d'agir ou de ne pas agir, ne seraient pas moins raisonnables dans le système de la nécessité que dans celui de la liberté. On pourrait dire la même chose des récompenses et des peines, et ajouter que rien n'empêcherait de leur reconnaître une vertu perfectionnante et curative, à défaut d'une vertu rémunératrice et expiatoire. Quant aux volontés que chacun de nous constate en lui-même, on pourrait prétendre que ce ne sont que des désirs, désirs de vivre, désirs d'être heureux, désirs de savoir, et que ces désirs dépendent si peu de nous que nous ne sommes pas plus libres de les détruire que nous ne serions libres de nous les donner si nous ne les avions pas. Si Augustin n'a pas eu le mérite de prévoir et de discuter ses objections, il a eu celui de développer, à peu près aussi bien qu'on le ferait de nos jours, les deux preuves principales de la liberté humaine, celles qui se fondent sur le sentiment intérieur que nous avons tous, tant que nous sommes, de notre liberté, pour affirmer son existence, et celle qui part des conséquences absurdes qu'entraînerait la négation de notre liberté, pour conclure à l'absurdité de cette négation même, en un mot, la preuve directe et la preuve indirecte. De plus, il a établi entre la contrainte et la nécessité une distinction qui a longtemps régné dans les écoles, et dont les philosophes de notre temps ne tiennent peut-être pas assez de compte. La manière dont il oppose successivement la volonté à l'un et à l'autre de ces faits est très propre à faire connaître le caractère véritable de cette faculté et à éclairer cette partie mystérieuse de notre nature morale. Parmi les objections élevées de tout temps contre le libre arbitre, une des plus graves est celle qui se fonde sur l'impossibilité de le concilier avec la prescience divine. Saint Augustin la formule et la discute à peu près de la manière suivante. Il y a de la contradiction à prétendre que Dieu prévoit tous les futurs et que nos actes futurs sont volontaires. En effet, si Dieu prévoit que je pécherai, il est nécessaire que je pêche. S'il est nécessaire que je pêche, mon péché n'est pas volontaire. Donc, où les futurs ne sont pas tous prévus, et alors la prescience divine est en défaut, où ils sont tous nécessaires, et alors il n'y a plus de volonté libre. Augustin remarque ingénieusement que cette objection, si elle était valable, n'irait pas seulement à détruire la liberté de l'homme, mais encore celle de Dieu même. Dieu, en effet, n'a pas seulement prévu ce que je ferai, mais encore ce qu'il fera. Si donc la prescience marque du caractère de la nécessité les actes auxquels elle s'applique, cela sera vrai des actes de Dieu comme des miens, ils seront nécessaires et dénués de toute liberté. Du libre arbitre au livre 3 chapitre 3. C'est là sans doute un raisonnement vigoureux, et qui prouve très bien le libre arbitre par l'absurde, mais je doute qu'il ait arrêté beaucoup de philosophes sur la voie du fatalisme. Ceux qui nient la liberté dans l'homme sont peu disposés à l'admettre dans Dieu, quand ils admettent un Dieu. Voici un autre argument que Leibniz trouve un peu identique, ce sont ses propres paroles, mais qui nous paraît néanmoins digne de considération. Une chose est libre quand elle est en notre pouvoir quand nous n'avons qu'à vouloir pour qu'elle arrive. Or je n'ai qu'à vouloir pour qu'une volonté ait lieu, donc mes volontés dépendent de moi et sont entièrement en ma puissance. Ce n'est pas par ma volonté que je vieillis, par ma volonté que je meurs, mais c'est par ma volonté que je veux, il faudrait être insensé pour dire le contraire. Dieu a beau prévoir mes volontés futures, il ne s'ensuit pas que ce ne soit pas par ma volonté que je les veux. Dieu prévoit que je serai heureux, heureux comment? Volontairement ou malgré moi? Volontairement, car il est dans ma nature de vouloir le bonheur. De même, quand il prévoit en moi une volonté coupable, il ne lui ôte point par sa prévision son caractère de volonté. Dieu, dit-on, c'est le troisième argument de saint Augustin et ce n'est pas le moins subtil, Dieu a prévu ce que je voudrais. Mais si la prescience détruit la volonté, cette proposition contient une contradiction dans les termes. Il n'a pas prévu ce que je voudrais, si je ne puis rien vouloir et si tout est nécessaire. Ma volonté supprimée, sa prescience est sans objet. Ainsi, loin de compromettre la volonté, la prescience la garantit et l'assure. Dès que Dieu l'a prévue, elle ne peut pas ne pas être. Une quatrième preuve, non moins ingénieuse que les précédentes, qui s'est longtemps maintenue dans l'enseignement et que Leibniz n'a pas dédaigné de reproduire, a été développée par Augustin à peu près en ces termes. Si la prescience divine paraît contraire au libre arbitre, évidemment ce n'est pas en tant que prescience de Dieu, mais en tant que prescience pure et simple. Or toi-même, tu ne nécessiterais pas un péché en le prévoyant, bien qu'il dût infailliblement se commettre afin que tu puisses le prévoir. Il n'y a donc pas de contradiction entre la préscience d'un acte volontaire et le caractère volontaire de cet acte. Pourquoi donc y en aurait-il entre la préscience de Dieu et un acte volontaire quelconque? Pourquoi donc sa justice ne pourrait-elle pas punir puisque sa préscience ne contraint pas? Que dis-je, il en est de la préscience de Dieu comme de ta mémoire. De même que ta mémoire ne fait pas être ce qui n'est plus, la préscience de Dieu ne fait pas être ce qui n'est pas encore. Du Libre Arbitre au Livre 3 chapitre 3 et 4. Non content de réfuter d'une manière générale l'objection tirée de la préscience divine, Augustin la considère telle qu'elle a été exposée par Cicéron en particulier, et la discute avec autant d'élévation que de vigueur. Cicéron paraît avoir un des premiers soulevé cette question qui devait tant agiter l'avenir. Esprit éminent, éclairé, préoccupé avant tout des grands intérêts sociaux, ainsi qu'Augustin le remarque, il aima mieux sacrifier la préscience de Dieu que le libre arbitre de l'homme. Dieu, suivant l'orateur romain, n'a pu connaître les événements futurs, s'ils n'étaient pas prédéterminés, si leurs causes n'étaient pas prédéterminées elles-mêmes et si le destin n'avait pas tout réglé d'avance. À cela saint Augustin répond, de ce que la coordination de toutes les causes est déterminée aux yeux de Dieu, il ne s'ensuit pas que rien ne dépende de notre libre volonté. Nos volontés sont elles-mêmes comprises dans cet enchaînement de causes qui est déterminé aux yeux de Dieu et que sa préscience contient, car les volontés humaines sont les causes des actions humaines. Celui qui a prévu toutes les causes n'a pu ignorer celles-là, puisqu'elles lui apparaissent d'avance comme les causes de nos actions. Cité de Dieu Livre 5 chapitre 9. Peut-on dire que Dieu connaît toutes les causes efficientes, excepté les volontés? Mais en fait de causes efficientes, les volontés une fois retranchées, que reste-t-il? Cicéron distingue les causes efficientes en fortuites, naturelles et volontaires. Mais qu'est-ce que les causes fortuites, sinon des causes cachées? Qui ne sont autres que la volonté de Dieu et celle de certains esprits? Qu'est-ce que les causes naturelles, sinon la volonté permanente de l'auteur même de la nature? Qu'est-ce que les causes volontaires, sinon celles des hommes, des anges ou de Dieu, principe de toutes les volontés, à l'exception des volontés mauvaises? Il y a une cause qui fait et qui n'a point été faite, c'est Dieu. Des causes qui font et ont été faites, ce sont les hommes et les anges, des causes qui ont été faites plutôt qu'elles ne font, et qui ne méritent point le nom de cause, ce sont les causes corporelles. Dire que Dieu ne connaît point les causes volontaires, c'est dire qu'il ne connaît rien, puisque c'est d'elles que découle l'ensemble des choses, c'est le mutiler, c'est l'anéantir. Donc Dieu prévoit les faits volontaires comme tous les autres. Cité de Dieu Livre 5 chapitre 9 et 10. Du reste, quand saint Augustin parle de prévision, c'est pour s'accommoder à l'infirmité du langage humain. Il sait parfaitement que Dieu voit, mais ne prévoit pas, et nul métaphysicien n'a décrit avec plus d'exactitude et de grandeur ce sublime côté de la nature divine. La préscience est, dit-il, un attribut qui ne saurait convenir à l'être suprême, et dont la notion est surpassée de beaucoup par la notion ineffable de la divinité. Dire que Dieu possède la préscience, c'est dire qu'il connaît d'une manière fragmentaire et successive, et non d'un seul et immobile regard, c'est dire qu'il connaît les choses en tant que passé, que présente et que futur, au lieu de les connaître dans un présent continuel et indivisible, C'est le faire déchoir des hauteurs de l'éternité et le précipiter dans le temps. Mais il est au-dessus de tous les temps, et rien n'est futur à ses yeux. Supposons que sa connaissance des choses soit de la préscience et non de la science, qu'est-ce qui s'ensuivra? C'est qu'après avoir connu les choses comme futures, quand elles n'étaient pas encore arrivées, il les connaîtra comme présentes au moment où elles arriveront. Donc la connaissance divine ne sera ni immuable, puisqu'elle cessera d'être ce qu'elle était, ni parfaite, puisqu'elle recevra chaque jour quelque nouvel accroissement. De diverses questions à Simplicien livre 2 deuxième question. Saint Augustin clôt cette discussion par de remarquables paroles qui semblent contenir en germe le célèbre morceau où Bossuet recommande de ne sacrifier ni la préscience ni la liberté, lors même qu'on ne verrait pas les vérités intermédiaires qui servent à les unir, mais de s'attacher fortement au debout de la chaîne. C'est pourquoi, dit Augustin, nous ne sommes nullement forcés ou de supprimer le libre arbitre en conservant la préscience de Dieu, ou de nier, ce qui serait un sacrilège, la préscience divine en conservant le libre arbitre. Nous embrassons également ces deux dogmes, nous les confessons l'un et l'autre avec la même foi et la même vérité, celui-là, pour bien croire, celui-ci, pour bien vivre. Cité de Dieu livre 5 chapitre 10. Sans doute, ces arguments de saint Augustin ne seront pas goûtés de tout le monde, et peu de personnes partageront la confiance superbe que quelques-uns d'entre eux inspiraient à Leibniz. Confiance qui lui faisait souhaiter qu'il fût aussi facile de délivrer le corps de la fièvre que l'esprit des difficultés où le jette le dogme de la préscience divine. Cependant, il faut convenir que cette manière serrée et pressante de mener une discussion est plus conforme au véritable esprit philosophique que l'appel, par trop commode, au sens intime et au sens commun, par le moyen duquel on essaie aujourd'hui de résoudre cette question comme beaucoup d'autres. Qu'après avoir fait usage de toutes les armes du raisonnement pour forcer dans ces derniers retranchements un fatalisme redoutable, on invoque, comme une suprême ressource, l'autorité de la conscience et le témoignage du genre humain, rien de mieux, mais commencer et finir par là, et renoncer à argumenter contre des adversaires qui argumentent, c'est livrer la place à l'ennemi et se déclarer vaincu devant la science et la logique. Parmi les travaux les plus récemment publiés sur l'accord de la liberté de l'homme et de la préscience de Dieu, combien y en a-t-il où saint Augustin soit dépassé, où l'on ajoute quelque argument considérable à ceux qu'il a fait valoir, où l'on fasse, en un mot, faire un pas à la question? Quelques auteurs se bornent à reproduire les arguments d'Augustin et de ses sectateurs, d'autres, comme M. Jouffroy et M. Jules Simon, ne les reproduisent pas, à la vérité, mais en présentent de plus faibles et semblent disposés à trancher le nœud plutôt qu'à le dénouer. L'un propose de sacrifier la préscience à la liberté, dans le cas où leur conciliation paraîtrait impossible, l'autre, pour éluder la difficulté, s'appuie sur l'incompréhensibilité de la nature divine, sans songer que la difficulté ne vient pas tant, comme Bell l'a très bien remarqué, des lumières qui nous manquent que des lumières que nous avons. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.